La vitesse est limitée à 70 km/h. Dans tout Arnay-le-Duc? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette rue d'Arnay-le-Duc? Oui, réponse C. Non, réponse D.